les 2 shillings pour la ville de nuit. Pour fortune, j'ai un peigne et un miroir brisé. Plutôt que de finir à l'hôpital Salisbury, mieux vaut-il que la garde me retrouve égorgé. Elle est si lasse de la vie. Viens, viens, Jack l'éventreur. Délivre-moi de mes malheurs, Jack l'éventreur. Toute la nuit dans le pub d'Ocasel irlandais, j'attends près du piano que viennent les marins. Le pasteur au village ne peut pas s'imaginer où sa douce Marie vivote jusqu'au matin. Jack vient tuer la fille Marie. Dans le ruisseau, ma bague à tête de mort. Pour monter chez les anges, faut avoir ses 12 ans. Est-ce que tu en cherches une? Prends-moi donc, c'est le sort. Le gentil montreur d'eau. Mm-hmm.